Activité 17. 1. Samedi, devant la mairie, une grande exposition est organisée par l'association du village. Pour toute information supplémentaire, je vous rappelle que les bureaux de l'association sont au numéro 35 du boulevard Victor Hugo. 2. Le directeur de l'entreprise des biscuits Lolo va à l'école Jules Ferry aujourd'hui pour rencontrer les élèves et présenter les activités de son entreprise. Il va offrir des biscuits aux enfants et aux professeurs, c'est sûr. 3. Au marché, les nouveaux fruits de la saison sont arrivés. Il y a des pommes et des bananes. Et grosse réduction sur les salades. Le marché, c'est le samedi de 8h à 13h sur la place du village.